président mondial Joseph Zokende Wezali bongo bana na bakoko ya papa Simaro na kati ya bana ode Nouveau Testament Arrête OK ne wape Mama no pense OK ne wape Moimo comme une cocotte tu es comme koina Basoso batomi kozonga na ko babimaki na tongo Bapa rabake iko luka bana bakende kiko sakana Popa tango ya bolingo aho moto na sheri na ye Oyanga sale ali na moni eto Eko mina luka zizi na londre Moareta, nakupenda sana We wangu wa bobo, nakata tabu Jojo Mandiki, mwana zambi Mama ya kala Jeunesse à l'Assemblée nationale. Ya Joe Jibi. Mama Yambula, Joseph Zokende Yambula, Vicky Mabana Yambula, Chipeo Yete Yambula, Fosena Neyashele Yambula, Sophie Delorte Yambula, Yvette Gele Yambula, Jemelase Yambula. Et voilà, on sait, vous êtes. Papa Edouard Zengo, mon colonel Bemba, à vos ordres. Ndimangondo, agence Top Gel, na Luanda. Économique. Oh, ma sassie, amissie. Kaningalo sambo, ma fessinga bible na sape la fe. Na senga ranzambala ki sanga mobeli o embe. Ma kangiri sona kandi ma boko na kosela. Kasili kambo moko na kosela. Kasili kambo moko na kosela. Los Manoka mon cher, le soliste intéressant. M'en fous, les gars, je m'en fous. Mais José Montema m'a passé dans London. M'en fous, tu t'en fous. Ayamatos, papa mon poisson. Chaque. Ya Willy Tafari ya Mobipa Ya Mikitise Zamba Kozombola yo Ya Peze Luko Kiputu Zamba Kozombola yo Aurino Mala ya Zamba Zamba Kozombola yo Toka, toka, toka, toka, toka, toka, toka Doris Beya na studio Sabab garçon, papa Rex Lucila. Nouchka, la fille brillante. Molinga zala kana makama mi. Jeski kamu kuta le fils mambika. Namala susina mote. Madik sene unita pare. Sokila sali mabena kofuka mabena. Sex. Sumbo. Singi, bana lingwala, mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas, Amissi?